grand boss, le tout ma bang. Y'a Freddy Moutita, Germain Likibi en direct de Maya Maya. Bolingwe Zali et l'encoya Lisa Notéo. L'élan a bonzé l'yon mouté mananga ili. Y'a level, la tonton fidèle Mbadou, Boyoka. N'a pas si yon confiance nanga ignorance. Mama ya bana, tala to bala ni lelo yu. Chabani record. Zambéo, Yangana Yolibo, Olingwa Soukate, Jean-Paulé. Oh mon cœur, oh my baby, c'est un bouquet de fleurs. Mets-le à ton chevel, Iboué, Oué, Oué. Arrose-le chaque matin. À ton réveil, chéri, c'est toi ma vie, ma Iboué, ma bien-aimée. D'amour, ma belle mélodie, chante-le moi, Malibué, oué, oué, dis mon amour, sois sincère, je t'aime fou, jusqu'à la fin de mes jours, oh ma belle, mama ya banale, olingo nanga, lelo na suki olo lango, iya oye, iya oye, iye, iye, le frère, soukate o boni, yangana ya, yangana ya mama. Mama Ediba Nicole Nangobila Balobi pe mingi e makalibu na konti kayote E kenge pe angele pamate balobi e koki go baby sabolingo sala ke bao Baya kubato balingi se babanda yanga ina yo Ngana leli ere mon cœur plein d'amour Oyo bolingo yanga meho Beya motema oye baka Iya oye, iya oye liye liye Yanganaya, mama, mouwe, malibouwe, yebezali, amour éternel. Espe Bazonga, Oka. Yebezali, ma bête, lali, lali, poulo, koula, mei, moko, na, komi, linata. Kole, la, langa, misi, la, e, balé, pizoli, na, kai, bako, mouna, kate, o, yo, étoile, ngay, wamaj. La, kosinga, mayo. Na koma omboka babota ka Yesu na zabo moyi bwalo biko bina sala ero na mobili iya oye liye liye le frère sokate oboni yamana ya mama mwe mali mwe yebezali amour éternel ya sele mufango mon lieutenant PDG Bemba Saulona Passa no, sua mamãe bobina malingo yo, eh? Sanolo mata, eh? Kumba kanga e paia pea de mukamba. Nadine Motuke, Ani Chibuyi, papote a solo, eh? Yo kalina da Dr. Nico Kasanga. Franco de mi amor. Balé qui n'a si m'a tiré que l'an à l'eau de bain. Colonel Jean-Jacques Cude. Amical Poto Poto. Rendez-vous dans la Pascal. Namona qui est benga ya pembe et bimelinga n'a pas de bolongo. Na soso moki na pongi na yeba qui t'en digne zala qui boye la ngaï. Na tango tango et nalie. Amour éternel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ranel.